Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Radio Gemozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone, bienvenue. Et comme tous les lundis, eh bien, c'est notre rendez-vous, bienvenue dans la bulle. Et avec nous, eh bien, pour partager ce moment, eh bien, j'accueille Brigitte Romary, secrétaire générale de la Ligue contre le cancer sur le département des Vosges. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour Brigitte. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, je vous remercie. Eh bien, super. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour nous parler eh bien, de quelque chose de bien particulier. Nous allons parler durant cette émission du premier événement solidaire au masculin dans les Vosges, se nommant les Foulées des Barbus, qui se dérouleront ce dimanche 4 novembre au Parc du Château à Épinal, donc organisé par la Ligue contre le cancer en faveur du dépistage du cancer de la prostate. Les chiffres, c'est 71 000 nouveaux cas chaque année, c'est pas rien. Il faut maintenant en parler et voilà, c'est une très très belle action. Alors la Ligue et son histoire en quelques mots, si on peut revenir un petit peu dessus, parce que c'est une grande histoire quand même. Ça commence en 1918 avec le docteur Sonia Fabre, assistante au sein du service de curiethérapie du professeur Hartmann à l'Hôtel Dieu à Paris, qui propose une lutte systématique contre le cancer. Justine Godard, j'espère que je nommerai bien tout ça, secrétaire d'État au service de santé, à l'origine de la création du service de curiethérapie, donc fonde le 14 mars 1918 la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer, qui deviendra la Ligue française contre le cancer en 1927. C'est bien ça ? Tout à fait, voilà. C'est ça. L'association, elle est reconnue d'utilité publique dès le 22 novembre 1920. En 1955, la Ligue porte le nom de la Ligue nationale française contre le cancer et donc a pour vocation de fédérer l'ensemble des associations départementales et des comités luttant contre le cancer. En 1957, c'est une circulaire de la Direction générale de la Santé qui reconnaît officiellement les comités départementaux de la Ligue avec ses 103 comités. Aujourd'hui, il y a combien de comités ? Est-ce que vous savez ? Oui, mais nous sommes toujours 103 comités départementaux. Donc, c'est vrai que l'histoire de la Ligue, elle est longue. Elle a, oui. Nous fêtons actuellement le centenaire de la Ligue contre le cancer. Oui. Alors, après, les comités départementaux ont été créés après-guerre, pour la plupart. Et en l'occurrence, pour le comité des Vosges, il a été créé en 1962. Donc, il y a quelques années, on a fêté nos 50 ans. Et la particularité de la Ligue contre le cancer, bien sûr, c'est la lutte contre le cancer par la réalisation de, on va dire, 4 missions statutaires. Alors, les 3 les plus connues, bien sûr, sont l'aide aux malades. Alors, ce n'est pas nécessairement la plus connue, l'aide aux malades, mais en tout cas, c'est quand même celle qui a fondé la Ligue en 1918. D'accord. Effectivement, Justin Godard avait déjà effectivement senti qu'il fallait aider les malades sur le plan humain, sur le plan social. Donc, d'accord. C'était il y a 100 ans. Oui. Alors, après, ça ne s'est pas nécessairement fait tout de suite, puisque bien sûr on aide les malades avant tout sur le plan médical, et c'est la raison pour laquelle les donateurs nous font des dons pour que la recherche avance. Donc le financement de la recherche, l'aide aux malades, qui comprend plusieurs facettes que je pourrais évoquer peut-être un petit peu tout à l'heure si nous avons le temps. Et puis, bien sûr, le côté la mission qui nous rejoint aujourd'hui, c'est l'information, la sensibilisation d'un public cible et la promotion du dépistage. Et oui, ça c'est très très important. Alors vous êtes secrétaire général donc à la Ligue depuis combien de temps maintenant ? Alors, écoutez, je suis bénévole déjà depuis presque 20 ans à la Ligue contre le cancer, mais je suis en tout cas dans les Vosges bénévole depuis 2008. D'accord. Voilà, et effectivement, au poste de secrétaire général, qui est un poste, on va dire, plutôt stratégique, assez structurant, et un poste où, justement, on peut avoir des idées, essayer de les concrétiser par des actions concrètes. Oui. Comme aujourd'hui, avec ces fameuses foulées des barbus dont on va parler tout au long de cette émission. Alors, je cite, aujourd'hui, il n'existe pas de dépistage organisé pour le cancer de la prostate, tel que le cancer du sein ou du côlon, mais le dépistage individuel existe avec la réalisation l'évaluation du dosage du PSA réalisé par le médecin généraliste, oui. Ce qui peut peut-être simplifier ou en tout cas peut-être donner plus envie aux patients d'aller voir son médecin généraliste et non, pas encore. Ben, c'est-à-dire que voilà, le dépistage du cancer de la prostate, comme vous l'avez dit, n'a pas de, y a pas de campagne de masse. Oui. Hein, on n'invite pas les personnes à risque à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans à aller faire ce dépistage systématique puisque on sait, ce n'est pas prouvé sur le plan scientifique qu'il y a réellement un intérêt. D'accord. Toutefois, alors moi je ne suis pas médecin, bien sûr, parle sous couvert quand même d'informations. Mais qui m'ont été transmises sur le plan médical. Néanmoins, la tendance quand même semble s'inverser hein, sur le plan médical. Et en tout cas, le dépistage reste individuel et sous couvert, bien sûr, de son médecin traitant. Hein, je crois que le médecin traitant est l'acteur majeur hein, de ce dépistage qui ne doit pas être systématique. Hein. Le dépistage est fait vraiment dans le cadre d'une relation de confiance, d'une relation vraiment duelle entre le médecin et le patient, où le médecin doit évaluer effectivement les antécédents, les risques, repérer effectivement s'il y a des éléments qui peuvent être alerter. Suspects. Mmh. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment le médecin généraliste qui, avec le patient, hein, décide d'effectuer les tests en vigueur. D'accord. Donc aujourd'hui, eh bien, on en parle de ce sujet parce que c'est très important. Donc avec ces fameuses foulées des barbus, donc qui est une manifestation principalement destinée à sensibiliser les hommes sur un problème de santé publique, donc tel que le cancer de la prostate, hein, qui est le plus fréquent chez l'homme. Et oui, bien sûr. Tel que le cancer du sein l'est pour la femme. Oui. Nous avons, le comité des Vosges, décidé d'aborder un petit peu ce sujet, qui n'est pas un sujet facile, puisque c'est un sujet quand même qui touche à la virilité masculine, qui touche à la sexualité. Donc c'est évidemment un sujet tabou, qu'on n'aborde pas facilement, alors peut-être encore moins facilement quand on est du coup concerné, hein, oui. Quand on est un homme. Nous, je crois que les femmes, c'est peut-être un petit peu plus facile de parler de soi. C'est peut-être maintenant plus facile d'aller faire une mammographie, hein, puisque le mouvement Octobre Rose commence à être bien identifié et les femmes commencent à comprendre qu'on est là avant tout pour les rassurer et pas du tout pour faire peur. Donc c'est un petit peu la même dynamique qui nous a poussées à se lancer dans cette première édition des Foulées des Barbus. Oui. Donc au-delà de l'aspect de prévention, hein, de santé publique, hein, qui est l'aspect principal. Au-delà de ça, nous pensons aussi répondre à beaucoup de demandes d'hommes qui souhaitaient justement participer aux Foulées Roses. Et on leur disait, c'est pas d'emblée possible, puisque le cancer du sein, c'est quand même un problème qui concerne 99% de femmes. Oui. Et c'est aussi pour répondre à cette demande d'avoir aussi leur manifestation. On a décidé de faire l'homologue au masculin. Et ben voilà, donc avec les foulées des barbus qui aura lieu donc ce dimanche 4 novembre au parc du château à Épinal. Voilà, mobilisez-vous. Alors vous en avez parlé, hein, se termine bientôt donc Octobre Rose où l'on se mobilise contre le cancer du sein. L'initiative de sensibilisation se poursuit donc avec les foulées des barbus et il existe un mouvement nommé Movember qui est organisé de façon annuelle par la Fédération Movember Foundation Charity. Chaque mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Le nom vient de la contraction de mots, abréviation de moustache en anglais australien et de November qui signifie donc novembre. Et c'est depuis 2003 que cette fondation australienne relève le pari de changer le visage de la santé au masculin. Alors, est-ce qu'on s'est un petit peu inspiré de ça ? Totalement. Alors, pour nous, ça avait du sens d'organiser ces foulées des barbus en novembre, justement, pour rebondir sur cette fédération, ce mouvement qui est tout récent, en 2003, finalement, c'est hier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, le comité des Vosges, on est un petit peu précurseur, puisque finalement, il y a très peu de comités de la Ligue contre le cancer qui organisent des événements de A à Z. Hein, parce que, je le rappelle, les foulées roses pinaliennes, c'est vraiment nous, le comité des Vosges qui sommes les organisateurs, les seuls et uniques organisateurs. Donc l'argent, je le dis parce que c'est important, l'argent qui est récolté reste au comité des Vosges puisque c'est nous les organisateurs. Donc voilà, il est utilisé pour les malades vosgiens en exclusivité. Hein. Ça, c'est important. Et il en sera de même pour l'argent récolté au foulé des barbus. Mais en tout cas, c'était important de se coller effectivement au mouvement Movember. Alors bien sûr, nous, on a un petit peu élargi. On a longuement réfléchi à ce titre. Oui. et on a mis du temps pour le trouver. Et finalement, on s'est collé un petit peu aussi à la réalité des foulées roses. On s'est dit, on va reprendre le terme de foulée et on est parti sur les barbus et on se rend compte finalement que c'est un terme adapté puisqu'il y a de plus en plus de barbus. Eh bien, bien sûr, ça c'est vrai. Ça c'est très très bien souligné. Alors, en combien de temps ça se met en place justement cette nouvelle initiative les foulées des barbus? Parce qu'on le rappelle, là-bas, c'est quand même une première. Hein, c'est une première édition qui est organisée par le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer pour ces foulées des barbus. Alors, sur combien de temps ça prend tout ça? Alors, écoutez, notre expérience avec les foulées roses fait que il a juste fallu 4 réunions. D'accord. Donc c'est peu. 4 réunions qui se sont étalées. Voilà, on a commencé en janvier, mais honnêtement, quasiment tout était validé au mois de juin. Hein. On avait choisi le t-shirt, nous sommes partis à la recherche de partenaires. Hein. C'est un peu le même principe que les foulées roses, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que on a voulu autour de cette manifestation solidaire. Alors on est parti du même principe que ce soit accessible à tous. Oui. Alors, je le regrette, c'est pas accessible malheureusement à tous dans le sens où on ne pourra pas accepter les personnes à mobilité réduite. D'accord. Puisque le parc du château ne le permet pas. Hein, alors ça, on le regrette un petit peu parce qu'on a eu des demandes, hein, bien sûr, si c'était accessible. Alors, je mets un petit bémol quand je dis accessible à tous. Néanmoins, les personnes en fauteuil roulant, on peut les accueillir le jour des foulées des barbus sur le site du parc du château. Là, pour le coup, c'est accessible. Donc, je lance un petit peu une invitation. Ils peuvent quand même venir participer à cette fête parce que, encore une fois, nous serons là avec des médecins qui pourront individuellement bien expliquer l'intérêt de ce dépistage à l'échelon individuel. D'accord. Et puis, encore une fois, c'est surtout pour informer sans effrayer. Oui. Ça, c'est important. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, en parallèle, c'est encore une fois regrouper toute une catégorie de personnes, là en l'occurrence les hommes, sur un problème qui potentiellement pourra les concerner, puisque on sait que statistiquement, un homme de 50 ans, aujourd'hui, a 42% de risque de développer un cancer de la prostate. Hein, donc c'est quand même un problème majeur de santé publique. Et c'est la raison pour laquelle finalement tous les hommes, pour le coup, doivent se sentir concernés. Tout à fait. Hein, telles que les femmes pour le cancer du sein. Donc, ça va être un parcours un petit peu plus technique, on l'avoue, que pour les femmes, puisque le parc du château, ça va être des sentiers. Il va y avoir donc un parcours quand même un petit peu en forêt. On va avoir aussi le parcours découverte avec le château, les ruines du château. Oui. On va avoir des escaliers. On va découvrir aussi les vignes qui ont été plantées sur ce site-là par la municipalité. Donc ça va être un parcours assez varié. Qui du coup nécessite peut-être un petit peu plus d'endurance pour les hommes, mais encore une fois ce n'est pas une course, ce n'est pas chronométré et l'homme qui ne fait pas du tout de sport au quotidien mais qui marche tous les jours pour aller au travail, pour aller faire ses courses peut venir on peut marcher. Bien sûr. Alors le parc du château justement ça a été choisi pour changer un petit peu des foulées roses. Oui. Et puis c'était surtout, bien sûr il y a l'aspect découverte de ce site qui je pense est méconnu encore par beaucoup de personnes, pas nécessairement que des spinaliens bien sûr. Donc c'est un site qui mérite d'être découvert et en parallèle c'est aussi un circuit pour nous très sécurisé. D'accord. Qui nécessite finalement que peu de moyens pour assurer la sécurité des participants. Hein, parce que pour les foulées roses spinaliennes, il faut plus de 30 véhicules pour bloquer les rues. Alors non seulement il faut des véhicules, mais il faut des chauffeurs à côté pour déplacer le véhicule. Si toutefois, il faut laisser passer un véhicule de secours. Vous voyez, donc on ne se rend pas compte, mais l'organisation des foulées roses spinaliennes nécessite beaucoup plus de temps puisque sur le plan, on va dire, logistique, technique, ça nécessite beaucoup plus de moyens humains et matériels. Voilà. Tout à fait. Alors pour nous, c'était, voilà, ce qui fait aussi que ça a nécessité moins de temps en préparation, c'est que le site, voilà, hein, est favorable pour organiser dans de bonnes conditions de sécurité un événement de ce type. Et ben voilà, parfait. Alors si vous le voulez bien, on se lance tout de suite dans une première bulle de son avant d'en savoir encore plus sur ces foulées des barbus organisées par la Ligue contre le cancer. Avec nous, Brigitte Romary, aujourd'hui, pour nous parler de tout ça. On écoute une musique plutôt dans le thème, hein, c'est Run for Cover de The Killers, et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo. Vous êtes dans la bulle aujourd'hui avec nous, eh bien, Brigitte Romary, secrétaire générale donc, à la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, on vous parle, eh bien, des foulées des barbus qui auront lieu, eh bien, ce dimanche 4 novembre à Épinal, au parc du Château. Et Brigitte me disait en exclusivité qu'en plus, il y aura beau temps, donc plus d'excuses pour ne pas venir participer à ces fameuses foulées des barbus. donc pour sensibiliser sur le cancer de la prostate, qui est quand même très important. Il faut enfin relever ce sujet. Donc c'est principalement axé sur la sensibilisation, j'imagine. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin ? On en parlait un petit peu au début de cette émission. On voit bien que oui. Oui. Je crois qu'il va nous falloir beaucoup d'éditions avant qu'on se rende compte qu'on est plus à l'aise pour parler de ce problème spécifiquement masculin. Après, je crois que l'expérience des Foulées Roses nous montre qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes adhèrent à cette mammographie, à ce dépistage. Donc, on est convaincus que c'est en étant solidaires, en réunissant effectivement des hommes autour d'une manifestation festive. C'est comme ça qu'on arrive à lever des tabous, à lever des freins et finalement à mettre des mots sur une maladie qui peut ou pas nous concerner à un moment donné. On dédramatise un petit peu, c'est en ça. Fait. C'est tout à fait voilà. Ça. En plus, on se réunit, on fait quelque chose de solidaire tous ensemble et ça, c'est un peu magique. Oui. On le voit avec Octobre Rose, ça fédère beaucoup de monde et c'est vraiment magnifique et on souhaite le même succès à ces Foulées des Barbus. Mmh. Alors, le parcours, il sera de 6,5 km, c'est ça, à peu près, ouvert à tous les hommes à partir de 6 ans, j'ai vu. C'est magnifique, ça. On peut venir avec ses fils. C'est ça. Alors, on a déjà, parmi les inscrits, on a déjà des fratries, des générations, des familles de 3 générations qui se sont inscrites. C'est ouvert. Alors, je tiens à le préciser, effectivement, à tous les âges, du jeune enfant au vétéran. Et puis également, c'est aussi ouvert aux non-barbus. Eh ben puisque oui. Nous avons beaucoup cette question, je n'ai pas de barbe, je ne peux pas participer, donc non, c'est barbu ou vrai ou faux barbu, on accepte tout le monde. Voilà, tous les hommes sont les bienvenus pour cette action solidaire des Foulées des Barbus, donc c'est ce dimanche, départ à 10h30. Est-ce qu'il faut venir un petit peu avant 10h30 ? Oui, c'est mieux. Alors sachez que je voudrais quand même dire un petit mot sur le parrain. J'allais venir. Oui, nous avons, comme pour les Foulées Roses spinaliennes, ça avait du sens pour nous d'avoir une personne qui porte un petit peu la première édition. Et très naturellement, nous avons pensé à Stéphane Brognard, qui est évidemment barbu. Oui, c'est vrai, mais pas que. Il est également un grand athlète. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que derrière un petit peu sa notoriété, derrière ses engagements, derrière tous ces défis qu'il se lance, on trouvait que ça avait beaucoup de sens et que ça pouvait être porteur, porteur d'envie de venir, porteur aussi d'espoir, parce que quand on est effectivement malade, on peut reprendre une activité sportive adaptée ou on peut même débuter une activité si on n'était pas pratiquant auparavant. Donc je pense que Stéphane que l'on a rencontré récemment a bien fait passer le message que ça avait beaucoup d'intérêt d'être parrain de cette première édition des Foulées des Barbus. Donc on espère que tous ces supporters, toutes les personnes qui courent derrière Stéphane Brognard seront aussi présents dimanche. Alors, on a prévu pas mal de petites choses pour animer cette journée. Oui. Vous nous en direz plus ou pas? Alors, je peux vous en dévoiler quelques-unes. On va offrir une soupe à l'arrivée. À tous les hommes. Alors bon, on a prévu 1000 soupes, alors peut-être on n'en aura pas assez. L'avenir proche nous le dira. Oui. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle l'inscription est à 11 euros. D'accord. Contrairement aux 10 euros pour les Foulées Roses spinaliennes. Le 1 euro supplémentaire correspond au gobelet lequel sera servie la soupe et c'est un gobelet qu'il faudra nous rendre et on redonnera 1 euro. Donc il y a vraiment une équité, je tiens à le dire à l'antenne, les hommes ne paieront pas plus cher que les femmes. C'est juste en caution du gobelet. Voilà, c'est ça. Tout va bien. Donc après l'effort, le réconfort, une petite soupe à l'arrivée. Oui, et nous avons cette année, nous sommes très contents, un partenariat avec le petit resto du parc du château qui est avec qui... Le partenariat s'est fait très naturellement. Donc, Monsieur Wirtz nous a proposé, en fait, de réaliser un menu spécial des barbus. Oui. Alors, qui sera composé, les barbus le verront bien. Mais en tout cas, il y aura possibilité de manger, de boire. Alors, sans doute quelque chose qui tient à cœur beaucoup les hommes. Hein, je pense qu'il y aura effectivement de la bière qui leur sera proposée. et puis, voilà, un petit dessert. Donc, le menu spécial barbu à 10 €, hein, dont une partie sera reversée à la Ligue contre le cancer. Hein, donc, il y a vraiment beaucoup de solidarité derrière ces manifestations. Et ça, je tiens aussi à le souligner, hein, parce que nous sommes allés... Certes, nous n'avons pas nécessairement pris beaucoup de temps pour organiser ces foulées des barbus, mais c'est aussi parce que nous n'avions pas nécessairement beaucoup de temps non plus. Oui. Puisque les foulées des barbus se déroulent un mois après les foulées rospinaliennes. Oui. Donc là, on en sort seulement. Et c'est vrai que nous avons ciblé quelques partenaires, et ça je peux le dire à l'antenne, tous les partenaires qui sont présents sur le flyer nous ont tous répondu spontanément présents. Oui. Ils ont tous dit oui, sans aucune hésitation. On n'a eu aucun refus, et vraiment pour nous les organisateurs c'est quand même une marque de remerciement. Oui. Hein, une marque de reconnaissance derrière le travail que l'on fait, oui, hein, en sûr. Police, même si effectivement les foulées des barbus, c'est vraiment quelque chose d'agréable à organiser. Pour justement proposer quelque chose aux hommes. Et oui, c'est très très important. Et puis ils ont toute leur place hein, dans ce combat contre le cancer. Absolument. Ces hommes. Et c'est enfin le moment pour eux de se mobiliser. J'espère que voilà, ils se rassembleront très nombreux. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles là justement sur ces foulées des barbus pour un petit peu encadrer tout ça? Alors on sera 40 bénévoles, voyez. Donc c'est moitié moins qu'aux foulées roses où nous étions à peu près 80 bénévoles hein, sur le site du village rose. Donc là on va installer. Hein, on reprend un petit peu ce qui fonctionne bien. On va installer le village des barbus. D'accord. Donc, au parc du château, évidemment. Donc, nous serons installés en face du restaurant, le petit resto, et nous serons sur l'aire de jeu. Nous allons, bien sûr, installer un carpodium. Donc, nous allons installer donc, des stands, tout ce qu'il faut pour servir la soupe à l'arrivée. D'accord. Donc, il y aura également donc, des chapiteaux pour se mettre à l'abri, pour pouvoir se restaurer après les foulées. Oui. Et puis, donc, nous aurons bien sûr des petites animations. Alors, une animation surprise dont je ne peux et absolument oui. pas vous en parler. Et non. Mais vous ne serez pas déçus. Ça, je vous le garantis. Donc, possibilité en tout cas pour les retardataires. Alors, on peut s'inscrire sur le site des Foulées des Barbus jusqu'au 30, oui. jusqu'à mercredi 30 octobre. Au-delà, il y aura toujours possibilité de venir s'inscrire le 2 novembre au comité avec le bulletin d'inscription qu'on peut télécharger sur le site des foulées, qu'on peut trouver aussi chez certains commerçants. Et puis, bien sûr, possibilité de venir sur le village des barbus le samedi après-midi de 13h à 17h. Donc d'accord. Là, nous serons une vingtaine de bénévoles au stand des inscriptions avec, bien sûr, la remise d'un t-shirt. Et donc, oui. Le t-shirt sera aux couleurs des sapins des Vosges. D'accord. Et puis, aux couleurs vert, puisque le vert, c'est un peu une couleur que nous avons choisie, puisque le vert est quand même synonyme, justement, d'espoir. Hein. Et on sait que quand on a... une maladie comme le cancer, c'est important dans la lutte d'avoir de garder cet espoir, bien sûr. Et pas besoin d'être un grand athlète comme Stéphane Brunière pour participer à ces foulées barbus. Donc pour les inscriptions, eh bien vous avez tout compris, hein, Brigitte nous en a dit plus, et ça vous retrouverez cette information avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Et puis l'adresse du site, c'est www.foulesdesbarbus.fr, et là vous aurez toutes les informations et sûrement un petit bulletin d'inscription si jamais vous avez envie de participer et que vous n'êtes pas encore inscrit. C'est ça. Voilà. Très, très bien. Donc, sur ces stands, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, bon, on va retrouver, bien sûr, le stand de la Ligue contre le cancer, hein, avec oui. toute la documentation qui concerne le cancer de la prostate. Donc, nous aurons également des bénévoles qui vont pouvoir aussi vous renseigner les personnes malades, en l'occurrence, sur ce qu'on propose, hein, nous, d'accord, en termes de soins de support. Hein, notamment, on propose quand même déjà depuis quelques années de la socio-esthétique. Hein, là, d'accord, ça concerne tous les patients. Oui. Donc, sur 3 hôpitaux, à Saint-Dié, à Remiremont, à Épinal. Nous proposons aussi, depuis l'année dernière, donc, de l'activité physique adaptée. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se développe. Donc sur Épinal, ça fait 2 ans. Donc on commence à développer ça sur Saint-Dié, sur Raon l'étape. Et l'activité physique adaptée va aussi prochainement se développer sur d'autres sites importants. Et je tiens quand même à signaler que ces soins qui permettent justement, hein, aux personnes d'aller mieux moralement, physiquement, qui permettent aussi de lutter contre l'isolement, hein, que la maladie peut apporter parfois, sont entièrement financés par le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer et surtout grâce à l'argent récolté au fond des roses spinaliennes. Hein, beaucoup nous demandent, mais où va l'argent, à quoi sert-il, etc. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est vraiment destiné à notre service d'aide aux malades et nous, c'est vraiment la direction que l'on s'est donnée, hein, c'est d'apporter un réconfort immédiat aux patients via ces prestations de services. Et ben, vous allez nous en dire plus tout de suite après cette deuxième bulle de son. Hein, on va se réchauffer, on va s'entraîner, s'échauffer avant ces foulées des barbus. Bah, pas nous, parce que nous, on a déjà couru pour Octobre Rose, mais vous, chers hommes qui nous écoutez, les foulées des barbus, c'est ce dimanche 4 novembre, départ à 10h30 au Parc du Château, vous l'avez bien compris, les inscriptions sont encore possibles, donc n'hésitez pas. Et puis, il y a plein de choses que Brigitte vient de nous évoquer qui nous donneront envie encore plus de participer. On écoute tout de suite un son des Rolling Stones pour Start Me Up et on se retrouve juste après. We'll be right back. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui. Eh bien, nous parlons d'un sujet plus qu'important, hein, celui de la sensibilisation au cancer et notamment celui de la prostate avec ces fameuses foulées des barbus. On lève le tabou et puis on se mobilise pour cette superbe action. Alors Brigitte qui est avec nous, donc secrétaire générale de la Ligue contre le cancer, nous en a déjà dévoilé beaucoup, mais il en reste encore à dire. Justement, à propos de cette fameuse soupe qui sera offerte à l'arrivée, hein, comme on le disait, après l'effort, le réconfort. Bon, il va faire beau, mais il fait un peu frisqué. Bon, j'imagine qu'une fois qu'on a couru, ça va beaucoup mieux. Mais cette soupe, elle peut être offerte grâce à un partenariat. Vous nous disiez ça en off, Brigitte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à nos auditeurs? Oui. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai que nous, vous savez, nous, les bénévoles, rien ne nous effraie. Oui. Et en comité de pilotage, je peux vous dire qu'on était parti sur le principe de cette soupe parce que voilà, on va être en novembre. Alors, il peut faire 5 degrés comme hier, oui. Mais il peut faire aussi 15 degrés comme dimanche prochain. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Voilà. C'est parfait. Néanmoins, l'idée de la soupe, elle correspond surtout à le côté un petit peu festif, le côté un petit peu loufoque, un petit peu dérision, hein, parce que même si on parle d'un sujet sérieux, on peut aussi en parler avec un petit peu de dérision. Et voilà, d'où l'idée de cette soupe qui, au départ, devait être faite par les bénévoles, parce d'accord. que rien ne nous fait peur. En réunissant, on avait déjà imaginé planter beaucoup de légumes pour oui. préparer cette soupe. Néanmoins, au sein du comité de pilotage, on a une personne qui nous a dit qu'on pourrait peut-être la faire. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Et du coup, on nous a orientés vers le CROUS, qui est dirigé, donc, il s'avère, par le président de l'association Sport-Aid. D'accord. Alors, le Sport-Aid, c'est une association qui a été créée à l'initiative de Monsieur Landormy, Yannick Landormy, que certains connaissent peut-être, puisque c'était un athlète qui faisait de la marche athlétique. D'accord. Et il a créé cette association-là pour justement faire la promotion de la marche pour tous et également accessible aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Hein. Donc, la rencontre avec M. Landormy a été très satisfaisante puisqu'il a totalement adhéré à notre projet et a décidé donc de nous préparer cette soupe. Eh bien voilà, on le remercie, hein, on le félicite, on le salue. Et puis vous me disiez à propos des partenaires que vous aviez dû trouver d'autres partenaires que pour les foulées. Hein. Tous ne peuvent pas se mobiliser pour chaque action, et on comprend bien. Oui. Donc là, il y a eu de nouveaux partenaires qui sont mobilisés avec vous. Et on leur tire aussi notre chapeau et on les salue. Oui, oui, oui. Alors là, encore une fois, je le dis, mais les personnes qu'on a rencontrées, elles sont peu nombreuses. On a rencontré le secrétaire général de la BTP qui était à notre écoute, qui a pris notre dossier, puis qui nous a recontacté quelques mois plus tard en nous disant « Nous, on veut soutenir votre manifestation, surtout que dans le BTP, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dans ce secteur-là, des travaux publics. » Donc, ça avait beaucoup de sens. Hein. Bien sûr, on a ciblé nos nouveaux partenaires. Nous sommes allés voir également Artipol, qui est une nouvelle société qui travaille aussi beaucoup avec le monde masculin. Et puis, indéniablement, ça avait du sens d'aller rencontrer les fabricants de vélos, oui. Donc sous la marque, bien sûr, Moustache Bike. Eh bien oui. Alors, eux aussi, tout de suite, nous ont dit on soutient votre manifestation. Et également, on a Mercedes-Benz qui est aussi un nouveau partenaire. Sinon, on a des partenaires qui, de nouveau, étaient partenaires des Foulées Roses et ont décidé, eux aussi, de nous soutenir. Eh bien, c'est génial, un bel élan de solidarité. Et ça, ça fait plaisir. Maintenant, c'est à vous, chers auditeurs, hommes, que s'adresse ce message. Hein. Donc, vous l'avez bien compris, que vous soyez barbu ou non, pas d'excuses, vous serez les bienvenus. Et puis c'est chacun à son rythme, on peut y aller en marchant ou en courant, ça c'est, on décide, pas besoin d'être très très physique pour ce parcours, même si vous nous l'avez dit, c'est très varié, passage en sous-bois, passage avec des escaliers, découverte des ruines du château, du parc animalier qui a été récemment rénové en plus. En plus on profite du paysage, il va faire beau, donc aucune excuse pour tout ça. Oui. Donc Vous l'avez dit, c'est 11 euros pour s'inscrire, donc 1 euro avec la caution de ce fameux gobelet pour la soupe. Pas de différence entre hommes-femmes, voilà, c'est pareil. À quoi vont servir justement ces fonds qui sont récoltés pour la Ligue contre le cancer? À quoi ils vont servir ces fonds? Alors, ils seront pour notre service d'aide aux malades. Alors, comme je l'ai dit, voilà, on est vraiment engagés, nous, à aider directement la personne lors de ses soins, par de l'activité physique adaptée qu'on veut vraiment développer un petit peu plus dans les Vosges, avec bien sûr des professionnels diplômés. Hein, ce n'est pas nous, les bénévoles, qui pouvons mener ce type d'action, hein, mais vraiment des prestataires qualifiés. Donc, ça, c'est aussi important de le dire. La socio-esthétique, hein, qui est déployée dans le département maintenant depuis 2013, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est un soin vraiment personnel, hein, qui est proposé aux hommes, hein, aux femmes. Et les hommes apprécient, hein, il faut le savoir, hein, apprécient ces soins. Ils n'ont peut-être pas effectivement l'habitude, hein, qu'on leur propose des petits soins du visage, des soins des mains, des massages, leur proposer aussi des conseils, hein, pour que leur peau soit un petit peu mieux hydratée, ne pas utiliser n'importe quelle crème. Et puis, je vous coupe, mais du coup, avec ces soins, on se réapproprie un peu son corps. Oui. On reprend conscience de son corps et on essaye de comprendre qu'on n'est pas juste malade, mais avant tout un être humain. Oui. Et ça, c'est très important. Mm-hmm. C'est vraiment ce que les patients nous disent. Hein. Justement, pendant qu'on s'occupe de moi, j'ai plus du tout l'impression que je suis une personne malade et que je suis à l'hôpital. Oui. Hein. Donc, c'est vraiment... Ce soin-là, il est vraiment magique. Hein. Et on remercie Catherine, hein, notre prestataire de service, hein, qui est vraiment quelqu'un de très compétent, de très à l'écoute, hein, parce qu'évidemment, hein, elle est à l'écoute de ce que vivent les patients. Oui. Et il faut avoir aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de distance, hein, aussi quand même, hein, pour se protéger. Donc nous avons derrière Catherine vraiment la personne qui correspond bien à ce soin qui est proposé. L'activité physique adaptée, c'est intéressant aussi parce qu'elle permet justement à des personnes de se retrouver. Hein, des personnes qui peut-être justement étaient un petit peu seules chez elles, oui, n'osaient plus ressortir. Et là, il y a vraiment une ambiance collective, une ambiance de groupe. Et l'expérience nous a montré que les premières personnes qui ont profité, hein, de ce dispositif, hein, d'activité physique adaptée sur Épinal, ont eu envie, une fois que l'année était terminée, de se retrouver et de continuer. Ça, hein, donc on crée vraiment... une autre forme de solidarité. Une cohésion. Ouais. Et du coup, ils partagent leur expérience et ça doit être aussi un moment très important, parce que être entouré de la famille, des amis, c'est très très important. Ouais. Rencontrer quelqu'un qui est malade comme soi, ça doit aussi avoir une grande importance pour un petit peu échanger ses expériences. Oui, c'est ce qu'on appelle un petit peu les groupes d'entraide, hein, finalement. Hein, donc, au-delà de l'activité physique pure, hein, il y a effectivement tout le côté humain, hein, tout le côté relationnel, tout le côté... accompagnement qui là aussi est parfaitement assuré par Émilienne, hein, notre prestataire sur Épinal. Je parle pour Épinal parce que je suis d'Épinal. Et oui. Mais en tout cas, les prestataires sur Saint-Dié et sur Raon-l'Étape, hein, sont aussi deux femmes qui sont aussi très sensibles à la cause et qui sont vraiment très professionnelles. Et on sait que derrière l'activité, il y a vraiment une cohésion et il se passe d'autres choses. Hein. Ça, c'est important. Un peu d'humanité dans tout ça. Est-ce qu'on vient aussi en aide, on accompagne les proches des malades? Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être, c'est quelque chose en fait qu'on ne fait pas encore. D'accord. Au comité des Vosges. Parce qu'on ne s'est pas encore penché sur la question. Mais nous avons récemment accueilli une nouvelle bénévole chez nous qui justement a envie de développer cet axe autour la plus d'activités un petit peu ludiques, un petit peu créatives. En fait, à la Ligue contre le cancer, on devient un petit peu bénévole parce qu'on a envie d'apporter quelque chose de soi. Hein. Alors ça peut être effectivement un petit peu de temps pour tenir un stand, pour venir aider pour servir la soupe dimanche prochain, mais ça peut être aussi apporter un petit peu de compétences dans un domaine. Oui. Hein. Donc ça, je profite de l'antenne aussi pour le dire. Oui. Et donc du coup, cette personne-là, elle s'appelle Christine, elle a vraiment envie de soutenir aussi un petit peu les aidants. Elle aussi a été malade et je crois que là aussi, derrière le parcours de personnes malades, on a beaucoup de choses, nous aussi, à apprendre. Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on souhaite développer dans les années futures. Hein. Voilà. Alors après, on aide aussi peut-être un petit peu les aidants différemment en apportant des soutiens financiers oui. hein, aux familles. Ça aussi, c'est un volet important dans l'aide aux malades, dans tous les comités en fait. Hein. Tous les mois, on a une commission sociale qui se réunit et des administrateurs donc étudient les dossiers de demande d'aide. Et bien sûr, on peut apporter un soutien financier pour compléter l'achat d'une prothèse capillaire. Oui. On peut apporter un soutien financier pour régler des factures d'énergie, des factures de téléphone, enfin des petites choses comme ça. Et puis on peut aussi voilà, aider une personne malade avec des prestations de services comme des prestations de ménage quand la femme est hospitalisée, qu'elle ne peut plus effectivement faire ces activités-là. Et il est important d'aider le mari qui a des enfants. Enfin, voilà, donc indirectement, on aide les aidants qui sont aussi les premières victimes hein, collatérales oui, oui. du cancer, hein, que ce soit le cancer, que ce soit l'homme quand il s'agit du cancer du sein ou que ce soit l'homme qui a un cancer. Et on se doit aussi d'aider la conjointe. Tout à fait, on pense à eux, bien entendu. Si on a des compétences ou qu'on est très motivé, très bonne volonté et qu'on veut devenir bénévole au sein de la Ligue du cancer, contre le cancer, est-ce que c'est possible ? On peut comme ça devenir bénévole ? Oui, oui. Alors voyez, je peux vous donner un exemple tout frais. Juste après les foulées rospinaliennes, on a reçu un mail d'une dame qui nous a dit, moi je voudrais bien vous aider pour les foulées des barbus. C'est chouette. Donc nous avons appelé cette dame qui s'appelle Carole, je peux la citer à l'antenne. On les salue tous. Et Carole, en fait, a participé aux foulées des barbus. C'est pas nécessairement une Vosgienne, c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans le département. Ah oui. Et qui, du coup, a dit, moi je veux bien donner un coup de main. Elle a bien senti qu'effectivement, les foulées rospinaliennes étaient soutenues par 80 bénévoles, que ces bénévoles-là, il faut bien les trouver. Et du coup, elle va être bénévole, on va dire, d'un week-end pour les foulées des barbus. Alors, bien sûr, peut-être qu'elle apportera d'autres choses par la suite, mais je trouve que cette spontanéité, elle est en tout cas appréciée et je souhaite que nous en ayons davantage. C'est un bel élan et oui, ce serait bien qu'il y ait beaucoup de gens comme ça qui aient envie d'aider et qui puissent le faire, ça, c'est super. Si on est une femme, parce que les hommes, bien sûr, vous serez au foulées des barbus ce dimanche 4 novembre au parc du château, départ à 10h30, départ et arrivée donc sur l'aire de jeu, une petite soupe en récompense et puis un fameux repas des barbus et ces stands et animations surprises qui vous attendent. Et si jamais vous êtes une femme ou toute autre personne et que vous avez envie d'aider la Ligue contre le cancer, les dons sont possibles directement via le site internet, je suppose. Hein. On peut faire un don si on a envie d'aider. Et puis surtout, on peut s'informer. Pour les foulées des barbus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est www.fouleesdesbarbus.fr. Et là, vous retrouverez tout ce qui vous se présentera à vous, hein, que ce soit pour la course, un petit peu la présentation donc, de Stéphane Brunière, si vous ne le connaissez pas. Hein. Vous pourrez le rencontrer d'ailleurs ce dimanche, je suppose. Donc, bien sûr, oui. Il sera là. Bien sûr, il sera là. Il sera là. Il sera au départ. Alors là aussi, avec la première personne qui s'est inscrite. D'accord. Là aussi, je peux la citer. Il s'appelle Michael. D'accord, Michael. C'est un vrai barbu. Ok. Et Michael s'est inscrit le 7 septembre. Ah oui. Lorsqu'il a participé au Trail de l'Infernal. Donc, on a décidé de le mettre à l'honneur. Super. Michael, et il sera mis à l'honneur, donc il ne sait pas encore comment. Ah, lui aussi, il y a beaucoup de surprises qui l'attendent. Oui, voilà. Alors, je voulais dire aussi que les femmes peuvent potentiellement aussi participer, oui. puisque nous avons aussi eu la question. D'accord. Et là, encore une fois, il y a un petit engouement féminin. D'accord. Et on sent que les femmes ont envie aussi d'apporter leur pierre à l'édifice et d'apporter un petit peu de gaieté, oui. de festivité dans ces foulées. D'accord. Donc, barbus. Si on est une femme, on peut venir faire la foulée des barbus. C'est ça. C'est possible dès lors qu'il y a un petit camouflage. Ah, d'accord. Il faut user de stratagèmes. Vous avez tout compris, maintenant on vous a donné l'information, vous en faites ce que vous en voulez. C'est ça. C'est ça. Alors on va se lancer dans notre troisième bulle de son, parce que notre émission elle s'approche vraiment de la fin, mais on va encore en profiter quelques minutes. Cette fois-ci c'est Run Away par Bon Jovi et on se retrouve juste après. lies. Nous sommes toujours ensemble bien dans la bulle avec aujourd'hui notre invitée Brigitte Romary, donc secrétaire générale à la Ligue contre le cancer, qui est venue aujourd'hui eh bien, nous parler des foulées des barbus. Hein, vous l'avez bien compris, c'est la première édition de ces foulées qui se déroulera donc le dimanche 4 novembre. C'est ce dimanche-là, voilà, n'hésitez pas. Donc Brigitte nous précisait hors antenne, donc pas besoin de certificat médical pour participer à ces foulées. C'est accessible dès 6 ans. Si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous déguiser, vous pourrez peut-être participer. Hein. Voilà, toutes les bonnes volontés seront bien entendu les bienvenues. Et côté pratique, alors pour se garer, il faudra privilégier donc le parking côté stade de foot pour le parc du château. Hein. Le côté Colombière sera fermé. Vous pourrez vous garer au parking de la BMI, à la patinoire, au cinéma et au parking Saint-Michel qui est donc gratuit les dimanches. C'est ça. On a bien résumé grâce à vous, Brigitte. Quant aux inscriptions, vous pouvez encore le faire sur Internet jusqu'à demain, hein, jusqu'au 30 octobre. Inscription et règlement donc sur event.dag-system.com. Mais pas d'inquiétude, je vous communiquerai ce lien avec le podcast de cette émission qui sera présente sur notre page Internet et notre page Facebook. Vous pourrez également encore vous inscrire sur place samedi, donc qui arrive, hein, samedi samedi 3 novembre de 13h à 16h30. Donc là, il y a des bénévoles encore sur place qui récoltent les inscriptions. On les salue. Et puis dimanche, juste avant le départ, de 8h30 à 10h15, et c'est là aussi qu'on va faire le petit retrait des dossards, parce que on court avec un petit dossard, c'est une vraie foulée, on se fait plaisir, mais voilà, il y a quand même un petit côté engouement, il y a un petit podium à l'arrivée ? Oui, on risque de faire un petit podium avec Stéphane Brognard, oui. Ça, c'est chouette. Ouais. Donc plein de choses vous attendent ce dimanche avec les stands, les animations, surprises, les repas, etc., etc. Je pense qu'on a bien évoqué ce sujet aujourd'hui, mais n'hésitez pas, si vous voulez encore en savoir plus, ça se passe sur internet www.fouledesbarbus.fr et là, vous aurez le panel de toutes les questions que vous pouvez encore vous poser. Tout est très bien expliqué, le site est très très bien fait avec les coordonnées, etc. Si on a des questions, c'est parfait. Brigitte, je vous remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à notre émission. C'est moi, je vous remercie. Est-ce que vous avez encore un petit mot pour nos auditeurs ? Écoutez, j'invite vraiment tous les hommes, barbus, pas barbus, à venir participer parce que je pense que ça va être des moments forts, des moments importants. Et puis aussi, c'est parce que pour l'instant, vous êtes pas encore beaucoup d'inscrits. Ah. Alors, je m'inquiète pas parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'inscriptions en dernière minute. Mais on a prévu quand même pas mal de t-shirts pour vous. Alors, on aimerait qu'il n'en reste pas beaucoup dimanche. Oui. Et puis, la soupe, il faut qu'elle soit bue. Oui. On ne s'inquiète pas non plus. Et puis, de toute façon, c'est une première édition. Oui. Il faut toujours une première dans tous les cas. Il faut que ça démarre. C'est déjà une très, très belle initiative d'avoir mis ce sujet tabou à l'honneur. Il faut aussi parler de la sensibilisation au cancer de la prostate pour les hommes. On parle beaucoup du cancer du sein. Maintenant, c'est au tour des hommes aussi. Il faut lever le tabou. Il faut se mobiliser. Il faut se rassembler. De la solidarité et de l'humanité, c'est tout ce qu'on aime. Il faut encore et encore continuer et puis grâce à vous et puis à la Ligue contre le cancer, tous les bénévoles et puis toutes les personnes que vous avez citées, que l'on salue, ça peut avoir lieu, les partenaires, etc. Et ça, c'est chouette. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Très très bonnes choses à venir, de très bonnes foulées, un très bon dimanche à vous et à toute votre équipe. Et puis à nous auditeurs, on se retrouve lundi prochain. Et puis en attendant, n'oubliez pas, c'est comme d'habitude, c'est bonheur, joie et rire à tous. Underrated. Great sound. Wait up. Give him that.